Proverbe chapitre 25. Ces choses sont aussi des proverbes de Salomon, que les gens d'Ézéchia, roi de Juda, ont copié. La gloire de Dieu est de sceller la chose, et la gloire des rois est de sonder les affaires. Il n'y a pas moyen de sonder les cieux, à cause de leur hauteur, ni la terre, à cause de sa profondeur, ni le cœur des rois. Ôte les écumes de l'argent, et il en sortira une bague au fondeur. Ôte le méchant de devant le roi, et son trône sera affermi par la justice. Ne fais point le magnifique devant le roi, et ne te tiens point dans la place des grands. Car il vaut mieux qu'on te dise, monte ici, que si on t'abaissait devant celui qui est en dignité, lequel tes yeux auront vu. Ne te hâte pas de sortir pour quereller, de peur que tu ne saches que faire à la fin, après que ton prochain t'aura rendu confus. Traite tellement ton différend avec ton prochain, que tu ne révèles point le secret d'un autre. De peur que celui qui l'écoute ne te le reproche, et que tu n'en reçoives un opprobre qui ne s'efface point. Telles que sont des pommes dorées maillées d'argent, telle est la parole dite comme il faut. Quand on reprend le sage qui a l'oreille attentive, c'est comme une bague d'or, ou comme un joyau de fin or. L'ambassadeur fidèle est à ceux qui l'envoient, comme la froideur de la neige au temps de la moisson, et il restaure l'âme de son maître. Celui qui se vante d'une fausse libéralité, est comme les nuées et le vent sans pluie. Le capitaine est fléchi par la patience, et la langue douce brise les os. Quand tu auras trouvé du miel, n'en mange qu'autant qu'il t'en faut, de peur qu'en étant saoulé, tu ne le rendes. Mets rarement ton pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'étant rassasié de toi, il ne te haïsse. L'homme qui porte un faux témoignage contre son prochain, est un marteau, une épée, et une flèche aiguë. La confiance qu'on met en celui qui se porte perfidement au temps de la détresse, est une dent qui se rompt, et un pied qui glisse. Celui qui chante des chansons au cœur affligé, est comme celui qui ôte sa robe dans le temps du froid, et comme du vinaigre répandu sur le savon. Si celui qui te met à faim, donne-lui à manger du pain, et s'il a soif, donne-lui à boire de l'eau. Car tu enlèveras des charbons de feu de dessus sa tête, et l'Éternel te le rendra. Le vent de Bis chasse la pluie, et le visage sévère chasse la langue qui médit en secret. Il vaut mieux habiter au coin d'un toit, que dans une maison spacieuse avec une femme querelleuse. Les bonnes nouvelles apportées d'un pays éloigné, sont comme de l'eau fraîche à une personne altérée et lasse. Le juste qui bronche devant le méchant, est une fontaine embourbée, et une source gâtée. Comme il n'est pas bon de manger trop de miel, aussi il n'y a pas de la gloire pour ceux qui la cherchent avec trop d'ardeur. L'homme qui ne peut pas retenir son esprit, est comme une ville où il y a brèche, et qui est sans muraille.